Nous avons là un ferment qui a été réalisé lors de l'atelier de Hervé Munch, pendant lequel les participants se sont rendus au Fab Lab pour la partie visuelle de l'atelier en fait. Et ils y ont créé des éléments visuels donc pour décorer les bocaux. On voit là sur le bocal posé comme ça un élément en bois qui a été fait à la découpe laser.